mon peuple. Le but des monstres. De la dope sous sachet plastique, dans la petite poche du Levi's. Petit à petit fait son chemin dans le vice comme Nanar Tapie. Connais la street comme les miches et les cuisses de ta grande cousine. Apprécie la grande cuisine, le beau linge et l'argent salipard. Divers trafic à dire vrai, passe le temps à mentir aux chattes comme aux amis, ou devrais-je plutôt dire les potes qui se complaisent dans l'illicite. Tout peut se finir salement et vite comme dans le final de la dernière saison du Chill. Miami Vice à mon belt, t'inquiète, j'suis undercover sur un but trop monstre. J'sais que ces bâtards m'en veulent. Miami Vice à mon belt, et ouais, je remets le couvert sur un but trop monstre, comme à l'époque de Bontex. Miami Vice à mon belt, t'inquiète, j'suis undercover sur un but trop monstre. J'sais que c'est pas d'armes, veulent Miami Vice à mon peuple. Sur un but trop monstre. Première carotte, premier 16, première baisse, tout ça c'est loin, merde. Fais partie de ceux qui ont la bouteille, du bootcamp dans les oreilles. Quand c'est par CNN ou Wu-Tang, old school comme les Cortez. Les Converse, KR, Benny Blanc, comme Ola ou Contest. Full boxon en concert, les MC en conserve. J'ai mis à l'envers ces radios de merde, à l'époque où j'avais du temps à perdre haleine, à rapper ou perdre mon énergie. Et ma thune chez Heineken, à croire qu'en ce temps-là, y'avait que ça à faire. Miami Vice à mon peuple, t'inquiète, j'suis undercover sur un beat trop monstre. J'sais que c'est bâtard m'en veulent. Miami Vice à mon peuple, et ouais, je remets le couvert sur un beat trop monstre, comme à l'époque de Bontex. Miami Vice à mon peuple, sur un beat trop monstre. Miami Vice à mon peuple, t'inquiète, j'suis undercover sur un beat trop monstre. J'sais que c'est bâtard m'en veulent. Miami Vice à mon peuple, et ouais, je remets le couvert sur un beat trop monstre, comme à l'époque de Bontex. Miami Vice à mon peuple, t'inquiète, j'suis undercover sur un beat trop monstre. J'sais que c'est bâtard m'en veulent. Miami Vice à mon peuple, et ouais, je remets le couvert sur un beat trop monstre, comme à l'époque de Bontex.